La délégation coréenne de Oran, conduite par Choi Ryong-hae, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a regagné le 16 août la patrie par vol, après avoir participé aux cérémonies des 31e Jeux olympiques de Rio de Janeiro, Brésil.